Une âme de Corse par Léon Lambry. Lorsque les Génois cédèrent la Corse à la France, les armées de Louis XV se trouvèrent aux prises avec de redoutables adversaires. Un grand patriote, nommé Pascal Paoli, ayant organisé le gouvernement de l'île, souleva en effet tous ses habitants contre ses nouveaux maîtres. Ce furent des journées piques, pendant lesquelles, de part et d'autre, une grande bravoure fut déployée. Il faut reconnaître loyalement que les troupes d'élite de Louis le Bien-Aimé, malgré leur mépris de la mort, trouvèrent en Paoli et en plusieurs de ses lieutenants des hommes d'un héroïsme tel qu'ils forcèrent leur admiration. Parmi ces derniers se signala Casella, le héros de cette histoire. Ce terrible Corse, enfermé dans la tour de Nonza, qui commandait toute la région, refusait obstinément de se rendre. Comme le siège menaçait de s'éterniser, le comte de Grandmaison, commandant l'armée française, craignit que les renforts ne vinssent aux assiégés et il résolut de leur offrir une capitulation honorable. Il chargea de cette mission le capitaine Vaudemont, qui, accompagné d'un seul tambour, partit résolument dans la direction de la tour. Arrivé à une faible distance, l'envoyé attacha une étoile blanche à la pointe de son épée et attendit. Quelques minutes s'écoulèrent, puis un drapeau blanc fut déployé au sommet de la tour, à côté de la bannière corse. À ce signal, le parlementaire commença à gravir la pente. Il se serait sans nul doute avancé jusqu'au pied de la tour si une voix furieuse n'avait crié tout à coup « Halte là ! Qui vive ?»« Parlementaire de Sa Majesté très chrétienne, » répondit Vaudemont. « Et que me veut-elle, Sa Majesté très chrétienne ? Ouvrez la porte de la tour et je vous ferai part de mon message. Non, cela ne se peut. Parlez d'où vous êtes. Nous avons le vent en pleine figure. Vous n'y pensez pas. » Ayant prononcé ces paroles, le capitaine continua à avancer. « Un pas de plus et vous êtes mort !» cria Casella. « Quel diable d'homme !» murmura Vaudemont. Et se faisant un porte-voix de ses deux mains, il parla ainsi. « Monsieur le comte de Grandmaison, maréchal de camp de Sa Majesté très chrétienne, désireux d'éviter l'effusion de sang. Voilà une subite tendresse, bien faite pour me surprendre, capitaine. Depuis quand vous êtes-elle venu ? Depuis que nous avons constaté que nous possédons 12 canons pour imposer silence aux vôtres, et 4000 hommes à opposer à votre garnison, qui ne doit certainement pas en compter plus de 50. Mais laissons cela. Je ne suis pas ici pour discuter, je viens simplement vous faire connaître mon message. Je reprends donc. Afin d'éviter l'effusion de sang, nous vous offrons une capitulation honorable. Et si je refusais, alors nous prendrions de force cette tour et vous traiterions comme des brigands, qui, au lieu de se conformer aux règles habituelles de l'art militaire, s'obstinent dans leur entêtement pour une défense impossible. Bien, capitaine, mais supposez maintenant qu'ils me prennent fantaisie de mettre le feu aux poudres et de me faire sauter avec la forteresse. Vous ne pouvez pas faire cela. Comment je ne peux pas? Et pourquoi, je vous prie? Parce que ce serait contraire aux lois de la guerre. Ce serait un procédé de barbare. Vraiment. Si j'ai bien compris votre raisonnement, il me faudrait, pour ne pas être traité de barbare, me mettre entre les mains de gens civilisés qui sont venus dans notre île pour nous ravir la liberté. Ne déplaçons pas la question. Elle se résume à ceci. Voulez-vous sortir de la tour avec les honneurs de la guerre, oui ou non? Il faut que je consulte mon conseil sur cette question. Veuillez m'attendre un instant. D'ici peu, vous aurez ma réponse. Casella disparut sur ces mots et le capitaine attendit comme on le lui demandait. Après un temps assez long, la tête du commandant se montra de nouveau au-dessus du parapet. « Le conseil ne peut se prononcer, dit-il, avant de connaître vos conditions. Posez-les vous-même. Monsieur le maréchal est disposé à vous accorder tout ce qui sera en son pouvoir. C'est parfait. En admettant, bien entendu, que vous ne soyez pas trop exigeant. Vous jugerez. Primo, la garnison sortira, tambour battant, étendard déployé, avec tous les honneurs de la guerre. Accordé. Secondo, la garnison conservera ses armes et ses bagages. Accordé. Tertio, monsieur le maréchal fournira les chevaux et les voitures nécessaires pour le transport des 10 bagages. Je ne puis accorder cela. Adieu, alors. Reprenons le combat. Mais non, un instant, que diable! Quel homme impatient! Laissez-moi en parler au maréchal. Peut-être consentira-t-il. Allez. Dans 10 minutes, je serai de retour. Prenez votre temps, je ne suis pas pressé. Le maréchal de camp, comte de Grandmaison, hésita un peu lorsque le capitaine lui fait part des exigences de Casella. Il ignorait la force de la garnison, mais il craignait qu'un secours lui arrivât, et l'importance de la position le décida. Il déclara donc qu'il était disposé à accepter la troisième condition, sous la réserve expresse que la capitulation aurait lieu sur le champ. Le capitaine se hâta de rejoindre le tambour, resté sur la hauteur, et cria de loin en agitant son mouchoir « Accordez, vous pouvez vous rendre sans remords. » Casella reparut sur les remparts et demanda « Alors nous sommes bien d'accord, parfaitement d'accord. Il n'y a pas d'équivoque possible, pas la moindre. Excusez-moi si j'insiste. Vous êtes jeune et je suis vieux. L'expérience m'apprit que l'on ne prend jamais trop de précautions. » « Commandant !»« Eh, capitaine ! Les bons comptes font les bons amis. Récapitule donc ce qui est convenu. La garnison sort avec les honneurs de la guerre, elle conserve ses armes et bagages, et vous fournissez aujourd'hui même les chevaux et voitures nécessaires au transport. Est-ce bien cela ? Exactement. Je prends note que Monseigneur le comte de Grandmaison, maréchal de camp de Sa Majesté très chrétienne, s'engage, sur l'honneur, à observer ces conditions en parfait accord avec moi, sans arrière-pensée, sans le moindre subterfuge. « Commandant !» fit le capitaine Vaudemont, en portant la main à son épée. « Dois-je considérer votre méfiance comme une insulte ?»« Certes non, capitaine. Je n'ai l'intention d'injurier personne. Je m'entoure de précautions, que vous jugerez utiles en y réfléchissant. Donnez-moi votre parole d'honneur, que nos conventions seront scrupuleusement respectées, et je n'insisterai pas. Je vous la donne. Alors allez chercher vos grenadiers, je vais tout préparer ici pour le départ. » 10 minutes après, les grenadiers arrivaient. Ils défilèrent dans un ordre parfait, devant l'enceinte extérieure, puis s'étant avancés jusqu'au pied de la tour, ils se séparèrent en deux files. Soudain, la porte s'ouvrit. « Présentez armes !» cria le capitaine. Tous les soldats obéirent, et au milieu de la haie d'honneur, on vit s'avancer le commandant Casella, serrant fortement dans sa main gauche la rampe de la bannière corse sur laquelle il s'appuyait, et tenant dans sa main droite les baguettes du tambour sur lequel il frappait le plus sérieusement du monde. Il avait sur la tête son chapeau à galons d'or, orné de plumes blanches, et portait son plus bel uniforme. Il allait gravement, sans daigner jeter un regard autour de lui, et les grenadiers retenaient avec peine leur rire, figés par la discipline dans une immobilité de statue. Arrivé devant le capitaine Vaudemont, qui le saluait de l'épée, le chef corse s'arrêta, mit ses baguettes dans l'œillet de la bretelle et, enlevant son chapeau d'un geste large, il rendit le salut. Ceci fait, il se remit en marche, reprit ses baguettes et frappa sur son tambour plus fort que jamais. « Commandant, interrogea Vaudemont, et la garnison, quand viendra-t-elle ? La garnison, oui, celle qui défendait la tour. Eh, capitaine, toute la garnison est sortie. Vous ne m'avez sans doute pas bien compris, ou plutôt je me suis mal expliqué. Je veux dire, quand vos soldats sortiront-ils ? Je vous ai fort bien compris, au contraire, et vous avez employé des expressions parfaitement claires. C'est pourquoi je vous répète, capitaine, toute la garnison est dehors avec moi. Tonnerre, serait-il vrai ? Rien de plus vrai. J'étais seul dans la tour. Malédiction, vous m'avez trompé. Vous me couvrez de honte. Tout le monde va se moquer de moi. Je serai mis en chanson. La mort était préférable à ce qui m'arrive. Comment oserais-je retourner à Paris ? Il n'y avait qu'un Corse qui peut concevoir ce plan diabolique. Vous tuez par le ridicule un Français de pure race. Oh, ceci est une autre affaire. Il vous appartient de vous tirer de ce mauvais pas comme vous le pourrez. Chacun son rôle. Le mien consiste à sortir de la tour honorablement. Je l'ai fait. Et tapant victorieusement sur son tambour, Casella continua sa marche. C'était l'âme d'un Corse par Léon Lambris.